بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات لهذا اللقاء الشهري الأول في هذا المسجد المبارك إن شاء الله تعالى Bienvenue les frères et sœurs pour cette première assise mensuelle, cette première rencontre mensuelle ici dans cette mosquée bénite, Inch'Allah Ta'ala. On demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous permettre à tous de profiter des différents appels qui sont donnés et qui seront donnés dans ce lieu. Wa nas'aluhu Tabaraka wa Ta'ala an yuwaffiqana lima fihi ridha. Fa mawdu'una al-yawm fi at-tijara Al-Murbiha. Le sujet d'aujourd'hui concerne le commerce fructueux. Fat-tijara min tajara yatjuru tijaratan. Et donc le mot tijara dans la langue arabe, donc tiré du verbe tajara yatjuru et le masdar tijaratan. Ay ba'a wa shara, c'est-à-dire le fait de vendre. Le fait de vendre, comme l'a dit Ibn Faris rahimahullah. فالتاجر يأتي ببضائع أو منافع فيبيعها للناس. Et donc le commerçant est celui qui va venir avec des produits, des articles ou alors des services qu'il va vendre aux gens. والأصل في التجارة أنها جائزة وذلك بالإجماع. Et la base dans le commerce, c'est que celui-ci est licite. Et cela selon l'unanimité des savants. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre « Ya ayyuhalladhina amanu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. » Ô vous qui avez cru, ne vous mangez pas mutuellement vos biens sans droit. Sans droit. Sauf si vous faites un commerce basé sur le consentement mutuel. Wa qala Allahu tabaraka wa ta'ala ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Le Très-Haut a aussi dit, dans le sens rapproché de la traduction, et Allah a rendu licite le commerce et il a interdit l'usure. Arriba. Falbay'u wat-tijara halalani fil asl. Et donc la vente et le commerce sont deux sujets licites à la base. Hadha in nadarna ila al-ma'na ash-shar'i fil bay'. Ça c'est si on regarde la signification religieuse du mot al-bay', la vente. Si on regarde la signification religieuse. Amma al-ma'na al-lughawi fa huwa a'ammu min dhalik. Cependant, ce qui concerne la signification dans la linguistique, la signification linguistique, alors cela est beaucoup plus général. Fal bay'u fil lugha huwa al-akhdhu wal-ata. Al-bay', le mot al-bay'u qu'on traduit par la vente. Dans la langue arabe, c'est le fait de donner ou de prendre. C'est le fait de donner ou de prendre. Hatta walau kanat ariya. Même si c'est un prêt que tu donnes à quelqu'un. Tu lui dis, tiens, achi, je te prête mon téléphone. Tu me le rends demain matin. D'accord, pas de problème. Ça s'appelle bay'un fil lugha. Dans la langue arabe, bay', ce qu'on traduit par vente. Pourquoi l'imaz adhalik? لأن البيع مأخوذ من البيع. Parce que le mot البيع, qu'on traduit par la vente, est tiré dans la langue arabe de ce qu'on appelle البيع. C'est quoi البيع? Les arabophones. البيع dans la langue arabe. Est-ce qu'on vous a déjà pris vos mesures? Comme ça, on te demande de tendre les bras et on prend les mesures qu'il y a entre tes deux bras. Ça s'appelle « el-ba'a » dans la langue arabe. la distance qu'il y a entre tes deux bras, quand tu les étends, dans la langue arabe, ça s'appelle « al-ba'a ». « Femin dhalika soumi al-ba'a ». Et c'est à partir de là qu'il y a le mot « al-ba'a ». Pourquoi ? Parce que chacun des deux parties, « li'anna kullan min al-tarafayn yamuddu juz'an min ba'ihi ». Parce que chacun des deux parties va tendre une partie de ce qu'on appelle al-ba'a. Dans la langue française, comment on appelle ça ? L'envergure. Chacune des deux parties va donc tendre une partie de son envergure. Chacune des deux parties. Et donc d'où le terme al-ba'a. Akhdhun wa ata. Le fait de donner et de prendre. Le fait de donner et de prendre. Wa qila kadhalika al-ba'u هو تبادل مال أو منفعة بمال أو منفعة. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on aborde ces définitions. On en aura besoin pour la suite du cours. Il faut déjà savoir de quoi on parle avant de développer. Et donc il a été dit, donc al-bay'u, c'est un échange de biens. C'est le fait d'échanger des biens ou des services contre des biens ou des services. Les biens, l'argent, une voiture. Je t'échange ma voiture contre le fait que tu nettoies toute ma maison. Un bien contre un service. Je t'échange ma voiture contre 10 000 euros. Un bien contre un bien, etc. Ça peut être un service en échange d'un service. C'est ça qu'on appelle aussi al-bay'a. Donc la vente. فَإِنْ فَهِمْنَا ذَلِكَ إِنْ تَلَقْنَا إِلَى الْمَرْحَلَةِ الثَّانِيَةِ وهي أن التجارة قد تكون في الأمور الدينية والأمور الدنيوية. Et donc si on a compris cette première étape, on va donc à la deuxième étape, qui est que le commerce peut se faire dans des sujets religieux ou des sujets mondains. وإن فهمنا ذلك علمنا أن التجارة قد تكون في المسجد محرمة. Et si on comprend cela, Ali commence déjà à me regarder. Si on comprend cela, on comprend donc que le commerce à la mosquée, il peut être interdit, mais il se peut qu'il ne soit pas interdit aussi. Et donc il faut savoir qu'est-ce qui est voulu par le mot commerce. Ma huwa al-murad bi hadhihi al-kalima at-tijara. أخرج الترمذي في جامعه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. الترمذي l'a cité dans son livre الجامع selon Abu Huraira radiallahu anhu que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: si vous voyez dans la mosquée celui qui achète et qui vend, ou celui qui vend et qui achète, alors dites qu'Allah ne fasse pas que ton commerce soit fructueux. La arbah Allahu tijaratak. Qu'Allah ne fasse pas que ton commerce soit fructueux. Ça, c'est pour celui qui fait du commerce dans la mosquée. Fahadha yadulluna ala tahrim tijara fil masjid. Cela nous montre qu'il est interdit de faire du commerce dans la mosquée. أخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الترمذي l'a aussi cité dans son recueil selon Abi Sa'id al-Khudri رضي الله عنه qui dit: un homme est venu à la mosquée alors que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم avait déjà prié. Il avait déjà fait la prière commune. Khalas, on a fini de prier. Il y a quelqu'un qui arrive en retard. Dans une riwaya, fawajadahu fara'ahu yusalli wahdahu. Dans une narration, il l'a vu qui priait tout seul. Certains qui disent qu'il allait prier tout seul. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man yattajiru ala hadha fayusalli ma'ahu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: qui fait un commerce pour celui-là et qui va prier avec lui. dans une narration, Man yatasaddaqu ala hadha, qui fait une aumône à celui-ci et qui va prier avec lui. قالت العلماء عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالاتجار لأن هذا الرجل الذي سيصلي مع أخيه كأنه اشترى الثواب. Les savants disent, le prophète صلى الله عليه وسلم, il a utilisé le terme al-ittijar, le fait de faire du commerce. Il a utilisé ce terme-là car cet individu qui va prier avec son frère, c'est comme s'il achetait la récompense. C'est comme s'il achetait la récompense. Aïe, annahu a'ta shay'an. C'est-à-dire qu'il a donné quelque chose. Wa huwa al-amal as-salih. Wa yarju shay'an. Et il espère quelque chose. Wa huwa al-thawab. Et c'est la récompense. Et c'est là qu'on revoit. On retourne donc vers la définition qu'on avait vue précédemment. Le fait de donner et de prendre. Le fait de donner et de prendre. Ça va dans le sens de et-tijara. Quand on comprend cela, on comprend donc que Et-Tijara, ça va être un échange. Un échange. Soit un sujet mondain. Un sujet mondain, donc un bien en échange d'un autre bien. En échange d'un service. Religieux, un acte d'adoration. Une œuvre, un acte d'adoration. Et tu espères la récompense. Tu espères le pardon. Tu espères que ton Seigneur, il te fasse rentrer au paradis par sa miséricorde. Wa fi qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, qulu fa qulu la arbaha Allah tijaratak. Yufhamu min dhalika anna at-tijara qad takunu murbiha wa qad la takunu kadhalik. Et dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah fasse que ton commerce ne soit pas fructueux. Il y a dans cela, on comprend aussi que un commerce peut être fructueux comme il peut ne pas être fructueux. Fama hiya tijaratul murbiha. Et donc, qu'est-ce que le commerce fructueux? Hadha huwa alladhi sanuhawilu an nafhamahu fi hadha al-majlis. C'est ce que nous allons essayer de comprendre tous ensemble dans cette assise. Kathirun min an-nas yadhunnun anna at-tijarata al-murbiha هي التجارة التي ترجع على صاحبها بالأموال الكثيرة. Beaucoup de personnes pensent que le commerce fructueux, c'est le commerce qui ramène beaucoup d'argent à son propriétaire. Tu as fait un commerce qui t'a permis de gagner des millions ou des milliers, on va te dire ça c'est un commerce fructueux. Nakoul la ghalat, c'est une erreur. C'est une erreur. Pourquoi? C'est ce qu'on va comprendre inshallah ta'ala. وهذا في الحقيقة ربح قاصر لأنه فان. En réalité, ceci est un profit très limité. Un commerce qui rapporte beaucoup d'argent, en réalité, c'est un profit très limité. Pourquoi? Parce que c'est un profit qui est déterminé à disparaître. C'est un profit qui va disparaître. Forcément, elle va disparaître. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « Kullu man alayha fan. » Kullu man alayha fan. Tout ce qui est à la surface de la terre est voué à disparaître. Et donc, ce profit que tu as, ce commerce que tu as, ces biens que tu as, en réalité, sont voués à disparaître. فكل هذه الأموال التي تملكها أو يملكها هذا التاجر أو غيره كلها فانية. Et donc tout ce que ce commerçant possède comme bien et autres, tout cela est voué à disparaître. فالعاقل الذي يريد الربح الحقيقي لا يتاجر في أمر فان. Et donc le commerçant qui veut un profit réel, concret, il ne va pas commercer, il ne va pas faire du commerce avec un produit qui est amené à disparaître. فَإِنَّهُ لَا يُعْقَلْ لَا يُعْقَلْ أَنَّ رَجُلًا يَعْلَمُ مِنْ بِضَاعَةٍ أَنَّهَا فَانِيَةٌ أَنَّهَا سَتَنْفَعُهُ فِي وَقْتٍ يَسِيرٍ ثُمَّ يَنْقَطِعُ رِبْحُهَا أَنَّهُ مَا عِلْمِهِ بِذَلِكَ يَسْتَمِرْ فَيُتَاجِرُ بِهَا. Ce n'est pas compréhensible qu'un homme, il sache d'un produit que celui-ci va lui être profitable pendant une courte durée. Il sait que tel produit, ça va être profitable pendant une courte durée. Et malgré cela, il va faire du commerce avec ce produit, il va baser son commerce sur ce produit. La yaf'alu dhalika illa man laysa lahu khibra fil bay'. Les seules personnes qui vont faire ça, c'est des personnes qui n'ont pas de connaissances et d'expérience dans le commerce. Si tu veux faire du commerce avec un produit, tu choisis un produit dont le bénéfice va être durable. Tu vas pouvoir continuer avec. Comme par exemple, il y a certains produits qui sont vendus pendant des moments exceptionnels. Comme, donc des produits liés à la fête du Eid, par exemple. Quand la fête du Eid approche, les commerçants musulmans, ils ramènent certains produits qu'on ne trouve pas pendant le reste de l'année. Est-ce que tu vas trouver un commerçant qui va baser son commerce sur ces produits-là? Toute l'année? Non. C'est pas possible. C'est un produit que tu vas vendre une fois dans l'année. Une fois dans l'année, tu vas le vendre. Ça ne continue pas. Et donc, ce commerçant, il va se baser, son commerce est basé sur d'autres produits qui continuent toute l'année. Et de temps en temps, il met ça. Mais son commerce n'est pas basé sur ces produits qui ne sont pas durables. Et donc, il faut que ton commerce, tu recherches quelque chose qui est durable. Wala afdala fi dhalika min at-tijara fi ma yurdi Allah tabaraka wa ta'ala. Et concernant cela, le fait d'avoir un commerce durable, il n'y a rien de mieux que le commerce dans l'adoration avec Allah tabaraka wa ta'ala, ce qui entraîne l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans son livre: Ulaika alladhina ishtaraw al-hayata ad-dunya bil-akhirah fa la yukhaffafu 'anhum al-'adhab wa la hum yunsarun. Voilà ceux donc qui ont échangé et préféré la vie d'ici-bas à l'au-delà. Échanger, le fait d'échanger. On revient ici à l'échange mutuel. Voilà ici ceux qui ont échangé et préféré le bien d'ici-bas, donc la vie d'ici-bas à l'au-delà. Le châtiment ne sera pas diminué pour eux et ils ne seront pas secourus. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit aussi: Ulaika alladhina ishtarahu ad-dalalata bil huda wa al-'adhaba bil maghfira fama asbarahum 'ala an-nar. Voilà ceux donc qui ont échangé et favorisé l'égarement à la guidée ainsi que le châtiment au pardon. Comment peuvent-ils supporter le feu? Comment peuvent-ils supporter le feu? Fait ar-rajul alladhi hasala 'ala amwalin kathiratin la tanfa'uhu hadhihi at-tijara in lam yakun mimman radiya Allahu 'anhum wa law kana min aghna an-nas fi hadhihi ad-dunya. Et donc l'individu qui a obtenu beaucoup d'argent avec son commerce, il a obtenu beaucoup d'argent avec son commerce, celui-ci ne lui sera pas profitable tant qu'il ne fera pas partie de ceux que Allah tabaraka wa ta'ala a agréé, même si celui-ci faisait partie des plus riches ici-bas. Même s'il faisait partie des plus riches. Idhan at-tijaratul murbiha laha awsaf wa minha al-istimrar fa yastamirru ar-ribhu 'ala sahibihi zamanan tawilan wa la afdal min ar-ribh al-mustamir ila al-abad. Et donc le commerce fructueux, c'est celui qui va être continu. Le profit de ce commerce va continuer avec son propriétaire durant une longue période. Et il n'y a rien de mieux en cela que le commerce qui continue éternellement. Le profit qui continue éternellement. Il n'y a rien de mieux que cela. Lisa. حَثَّنَا رَبُّنَا فِي كِتَابِهِ عَلَى هَذِهِ التِّجَارَةِ. Et c'est pour cela que notre Seigneur, dans son livre, il nous a incité à faire ce commerce. ce commerce qui est profitable éternellement. Il nous incite à le faire. Inna alladhina yatluna kitab Allah wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur. Certes, ceux qui lisent. Ici, je vais traduire donc yatlun par réciter, en sachant qu'il y a une explication à cela. L'explication, on va la voir tout de suite après. Et donc, certes, ceux qui récitent le livre d'Allah, qui accomplissent la salat, et qui dépensent de ce que nous leur avons octroyé, en secret et ouvertement, ceux-là espèrent un commerce qui ne va pas s'arrêter. Ceux-là espèrent un commerce qui ne va pas s'arrêter, afin qu'il leur accorde pleinement leur récompense et qu'il leur augmente de ses bienfaits. Il est certes très pardonneur. Ghafurun, Shakurun. Celui qui remercie pleinement ses serviteurs pour ce qu'ils font. Inna alladhina yatluna kitab Allah. Certes, ceux qui récitent le livre d'Allah. C'est-à-dire ceux qui vont œuvrer avec ce livre. Tu veux faire un commerce fructueux? Tu veux savoir comment faire un commerce fructueux? Il faut que tu œuvres avec le livre d'Allah, tout simplement. Le Cheikh As-Sa'di, il dit ici, qu'est-ce qui est voulu par le fait de réciter le livre d'Allah? Il dit, يَتَّبِعُونَهُ فِي أَوَامِرِهِ. C'est-à-dire qu'ils le suivent dans ses ordres, ils suivent les ordres qu'il y a dans ce livre, c'est-à-dire qu'ils vont s'y soumettre et les appliquer. Ils vont suivre les interdits qu'il y a dans ce livre, c'est-à-dire qu'ils vont les délaisser. وَفِي أَخْبَارِهِ فَيُصَدِّقُونَهَا وَيَعْتَقِدُونَهَا. Et aussi, dans les informations. Ils vont suivre ce livre dans les informations qui y sont rapportées. C'est-à-dire qu'ils vont y croire. وَلَا يُقَدِّمُونَ عَلَيْهِ مَخَالَفَهُ مِنَ الْأَقْوَالِ. Et ils ne vont pas faire précéder ce qui le contredit dans les paroles. Ils ne vont rien faire précéder à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les croyants donc sont ceux qui vont mettre en avant toute première chose la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ensuite il continue wa yatluna aidan alfazahu bi dirasatihi wa ma'anihi bi tatabbu'iha wa istikhrajiha. Et aussi ils vont le réciter. Là donc réciter les paroles du Coran et vont réciter. Ils vont le réciter par son étude, le fait d'étudier la récitation du Coran. Wa ma'ani, ainsi que la signification de celui-ci. Et cela par la recherche, le fait de chercher les significations du Coran. Et aussi le fait de chercher les profits qu'il y a dans celui-ci. Le fait de méditer. Où sommes-nous de cela? Chacun se met en question. Chacun se remet en question. Est-ce que réellement j'ai fait les causes pour avoir un commerce fructueux? Est-ce que réellement je lis le livre d'Allah? Je regarde les ordres qu'il y a dans ce livre, je les applique. Je délaisse les interdits. Je crois en tout ce qui est cité dans le Coran. Je ne fais passer la parole de personne au-dessus du Coran. Est-ce que réellement je fais cela? Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit « Wa aqamu s-salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya » et ceux qui ont accompli la prière et qui ont dépensé de ce que nous leur avons donné en secret et ouvertement. Alors ceux-là, « Yarjuna tijaratan lan tabur » alors ceux-ci espèrent une récompense qui ne va pas s'arrêter. Le Cheikh As-Sa'di, il dit aussi encore « Ay lan taksud wa tafsud » c'est-à-dire un commerce qui ne sera pas infructueux. Un commerce qui n'est pas... Parfois, tu peux faire un commerce, tu as mis beaucoup d'argent dedans, mais il n'y a pas beaucoup de bénéfices. Parce que les gens n'aiment pas trop ce produit que tu cherches à vendre. C'est ça qu'on appelle tijaratun kasida, un commerce qui est infructueux. Par contre, ceux qui ont fait ce que Allah tabaraka wa ta'ala a décrit ici, ceux-là espèrent un commerce qui n'est pas infructueux et qui ne s'arrête pas. Et ensuite, il continue le Cheikh Sa'di, bel tijaratun hiya ajallu tijarat wa a'laha wa afdaluha. Ela wa hiya ridha rabbihim wal fawzu bi jazili al fawzu bi jazili thawabihi wan najatu min sakhatihi wa 'iqabihi. Et donc il continue le Cheikh Sa'di, il dit, mais au contraire, ce commerce est le meilleur des commerces, le plus valorisé, le plus élevé, et c'est l'agrément de leur Seigneur. L'agrément de leur Seigneur et le fait de bénéficier de ses grandes récompenses et le fait d'être préservé de sa colère et de son châtiment. C'est ça, at-tijaratul murbiha. C'est ça, le commerce fructueux. Thumma bayyana Allah tabaraka wa ta'ala annahu hasala ma kanu yarjuna. Et ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala, il a montré qu'effectivement, il se produit ce que ces gens espéraient. Parce que il se peut que tu fasses un commerce. Tu as mis beaucoup d'argent dedans. Tu espères qu'il y ait beaucoup de bénéfices. Mais à la fin, ce n'est pas ce qui arrive. À la fin, tu vois que non, finalement, tu n'as pas gagné beaucoup d'argent. Allah tabaraka wa ta'ala, il informe ici que ceux qui font cela, ceux qui lisent le Coran, qui font la salat, qui dépensent de ce qu'il leur a accordé, il dit quoi ? لِيُوَفِيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. Pour leur accorder pleinement leur récompense. Pour leur accorder pleinement leur récompense et leur augmenter de ses bienfaits. C'est un commerce sur lequel tu ne peux pas perdre. Si tu fais ce que ton Seigneur t'a demandé, il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte. Idan, alimta anna tijarat al-murbiha. هي التجارة التي تنفعك في الدنيا والآخرة وإذا علمت ذلك فاعلم أن ثمة أمور تفسد هذه التجارة وتهلك أرباحها. Et donc tu comprends ici que le commerce qui est profitable, le commerce qui est fructueux, c'est celui qui t'est profitable ici-bas et dans l'au-delà. Et si tu comprends cela, alors sache qu'il y a des sujets, qu'il y a des points qui vont corrompre son commerce, ce commerce, et qui vont perdre ses bénéfices, et qui vont faire perdre ses bénéfices. أخرج الترمذي في جامعه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما المفلس. الترمذي il a cité dans son جامعه selon أبي هريرة رضي الله عنه que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, savez-vous qui est le mouflis, celui qui est ruiné? Celui qui est ruiné. Une fois, il y a un monsieur, il est venu ici à la mosquée. Oui, je suis commerçant, si, mais aujourd'hui, je suis ruiné. Je suis ruiné, il m'a dit. Mais qui était là? Tu te rappelles? Je suis ruiné. Cigarette à la main, si, ça, ça, je lui demande, mais quelle est ta relation avec ton Seigneur? Ah oui. Qu'est-ce qu'un homme ruiné? Kalu al-muflisu fina ya Rasul Allah. Man la dirham lahu wa la mata'. Les compagnons le dirent, le ruiné parmi nous, ô messager d'Allah, c'est celui qui n'a pas de dirham, il n'a pas d'argent, il n'a pas de bien. C'est celui qui n'a rien. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاته وصيامه وزكاته ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. Le prophète صلى الله عليه وسلم il dit, celui qui est ruiné dans ma communauté, c'est celui qui vient au jour du jugement avec ses prières, ses jeûnes, sa zakat. Mais par contre, il a insulté cela. Et il a traité un tel, et il a traité celui-ci de fornicateur. Et il a mangé injustement l'argent de celui-ci. Et il a fait couler le sang de celui-ci. Et il a frappé celui-ci. Fayaqad. Yaqtassu hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Alors il s'assied. Et celui-ci va prendre de ses hasanettes. Et l'autre, il va prendre de ses hasanettes. Hatta idha faniyat hasanatuhu. Qabla an yuqtassa min. Qabla an yuqtassa ma alayhi min al khataya. Ukhidha min khatayahum faturihat alayhi. Jusqu'à ce que il n'ait plus de hasanettes. Parce qu'avant, ces hasanettes, elles étaient prises. Il a fait des injustices aux gens, les gens, ils prennent ces hasanettes. Jusqu'à ce qu'il n'ait plus de hasanettes. Alors, il sera pris des bonnes actions, des mauvaises actions de un tel, et de un tel, et de un tel. Et ces mauvaises actions seront jetées sur lui. Fayutrahu finnar. Il sera jeté dans le feu. Hadha huwa al-muflis. Voilà celui qui est ruiné, celui qui a tout perdu. Salat, siyam, tu fais talab al-ilm, tu viens, tu t'assieds, tu fais... Et après, tu fais des injustices à tes frères. Voilà celui qui a tout perdu. Et qui a fait exactement ce qui va ruiner à sa perte le commerce qu'il faisait. Beaucoup de personnes, si tu lui parles en argent, tu lui dis, il y a un tel... T'as ton commerce, si tu l'engages, il va faire ça, il va te faire perdre 20 000 euros. Jamais de la vie, jamais je laisse quelqu'un me faire ça, me prendre 20 000 euros comme ça. T'as, demande-lui combien de hasanettes on perd tous les jours comme ça. Combien de hasanettes on perd tous les jours comme ça. Là, c'est pas 20 000 euros, les frères. C'est pas 20 000 euros. Rappelez-vous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a fait injustice à son frère. Alors qu'il se libère de cette injustice. Qabla an yakuna thamma. Avant d'être là-bas. Laysa hunaka dinar wala dirham. Là-bas, il n'y a pas de dinar et de dirham. Walakin hasanat wa sayyi'at. Cependant, c'est des mauvaises actions et des bonnes actions. Alors, nous devons apprendre à faire les calculs. Celui qui veut faire un commerce profitable, on lui dit, il faut que tu apprennes à faire la gestion. Il faut que tu apprennes à faire la gestion, à calculer temps et temps, temps de produits, il faut que je calcule une marge, etc. De la même façon, tu veux faire un commerce qui te soit vraiment profitable, qui soit vraiment durable, calcule. Calcule. Quelles sont les mauvaises choses que j'ai fait dans ma journée? À la fin de ta journée, tu te poses et tu fais ton calcul. Quelles sont les mauvaises choses que j'ai fait dans ma journée? De la même façon que quand tu es dans ta société, à la fin de ta journée, tu te dis, quels sont mes employés qui m'ont fait perdre de l'argent? Lui, ok, ça, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, tu te sépares de celui qui te fait perdre trop d'argent. La même chose pour toi-même avec tes hasanettes, tes bonnes actions et tes mauvaises actions. Médite sur tes actes à toi. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que ton commerce, tu fais en sorte qu'il est fructueux ou pas? فاجتنب أيها المسلم هذه الأمور التي ترجع عليك بالخسارة. Et donc, ô musulman, délaisse toutes ces choses qui vont revenir sur toi par des pertes. وحرص على ما ينفعك. Et efforce-toi de faire ce qui t'est profitable. فعلمت أن التجارة المربحة في الحقيقة هي العمل لمرضاة الله السالم. Et donc tu comprends maintenant que le commerce profitable, c'est le commerce qui est fait pour obtenir l'agrément d'Allah et qui est préservé de toute cause qui t'empêche de bénéficier de celle-ci. Tu vas donc faire des œuvres, des actes d'adoration, la prière, la salat, etc. pour obtenir l'agrément d'Allah. Et en même temps, tu fais en sorte que ces œuvres que tu as faites soient préservées d'éléments qui vont t'empêcher de bénéficier de ces œuvres. Comme la médisance, comme les péchés qui vont faire qu'après, dans l'au-delà, tu seras obligé de donner tes bonnes actions à ces personnes à qui tu as fait injustice. فَهَلْ يَجُوزُ لَكَ أَنْ تُتَاجِرْ فِي أَمْرٍ دُنْيَوِي. Et donc maintenant qu'on a compris cela, on se pose une question. Est-il permis de faire du commerce avec un sujet mondain? M'est-il permis de vendre de l'essence? M'est-il permis de vendre des pièces de voiture? M'est-il permis de vendre des camis? Puisqu'on te dit que ça, c'est amené à disparaître. Alors, m'est-il permis de faire du commerce avec tout cela? On a dit au début du cours, la base dans le commerce, c'est que celui-ci est licite. La base dans le commerce, c'est qu'il est licite. Belle. Quand takounu at-tijaratu fi amrin dunyawi nafi'atan fil akhirah wa dhalika in hasunat niyyatuk. Mais plus que cela encore, il se peut que le commerce dans un sujet mondain soit profitable dans l'au-delà. Et cela si tu as une bonne intention. Rappelez-vous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innama al-a'malu binniyat. Certes, les œuvres valent en fonction de leur intention. Fa in kunta fi tijaratik ad-dunyawiyya tanwi al-hijra ila bilad al-muslimin aw tanwi talab al-ilm aw tanwi it'ama usratik fa anta ma'jurun insha Allah. Et si dans ce commerce que tu fais, ce commerce dans les sujets mondains que tu fais, tu as l'intention de faire la hijra dans les pays musulmans. Tu as l'intention de profiter de ce commerce pour étudier ta religion. Tu as l'intention de profiter de ce commerce pour nourrir ta famille. Tu as l'intention de profiter de ton commerce pour faire tout ce que Allah t'a ordonné. Fais tout, job, inshallah. Tu es récompensé, inshallah. Pourquoi ? Li'anna hadhihi tijara ad-dunyawiyya laha ta'alluqun bi'amrin dini. Parce que ce commerce lié à un sujet mondain, ce commerce concernant un sujet mondain, il est lié à un sujet religieux. Et donc tout de suite, tu seras récompensé, incha'Allah ta'ala. On ne va plus faire trop long, incha'Allah ta'ala. Il y a juste certains points importants de citer. Je vais vous laisser une petite pause avant l'Eden. Il y a des points importants à citer, les frères. Anna hadhihi tijara. Fil umur ad-dunyawiyya la budda fiha min quyud. Ce commerce dans les sujets mondains, il est impératif que celui-ci soit délimité. Awalan la tutajir illa fima ahallahu Allah. Premièrement, tu dois faire du commerce que avec ce que Allah tabaraka wa ta'ala a rendu licite. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans son livre wa ma asaba min musibatin فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Il n'y a tout le mal qui vous touche. Tout le mal qui vous touche, c'est par ce que vous avez accompli vous-même. Tout le mal qui vous touche, c'est parce que vous avez accompli vous-même. Et il pardonne beaucoup. فَهَذَا الْأَمْرُ الْمُحَرَّمُ يَرْجِعُ عَلَيْكَ بِالْخَسَارَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Et donc ce sujet qui est interdit, cette chose qui est interdite, elle va revenir, elle va entraîner des pertes ici-bas et dans l'au-delà. Alors délaisse le commerce lié à un sujet interdit. Thaniyan alayka an tata'allam. Tu dois étudier. Tu ne te lances pas dans un commerce comme ça sans étudier. On a déjà vu Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il allait au souk, il allait au marché et interrogeait les commerçants sur la religion. La yabi'u fi souqina illa man ta'allam. Ne fait du commerce dans nos marchés que ceux qui ont étudié. Pourquoi? Parce que combien tombent dans le riba comme ça, ils ne savent pas que c'est du riba. Les gens, ils pensent que riba, ils pensent que l'usure, c'est qu'aller à la banque, demander un crédit, et ça, c'est de l'usure. Non, il y a beaucoup de types d'usure. Il y a beaucoup de types d'usure. Les gens ne savent pas. Tu fais du commerce, il faut que tu apprennes les règles du commerce pour ne pas tomber dans ce qui t'est illicite. Tu te maries, il faut que tu apprennes les règles du mariage pour ne pas tomber dans ce qui était illicite. Et donc, il est important d'apprendre tout cela. Troisièmement, وَهُوَ أَمْرٌ مُهِمْ لِلْغَايَةِ. Et c'est un sujet très important. أَنْ لَا تَتَعَلَّقْ بِهَذِهِ التِّجَارَةِ إِلَى دَرَجَةِ أَنَّهَا تَمْنَعُكَ مِنَ الْقِيَامِ بِالْوَاجِبَاتِ وَالْمُسْتَحَبَّاتِ. Tu ne dois pas t'accrocher à ce commerce à tel point que celui-ci va t'empêcher de faire tes obligations et il va t'empêcher de faire ce qui est recommandé. Un commerce qui t'empêche de faire ce qui est recommandé, c'est un commerce qui n'est pas profitable. C'est un commerce qui n'est pas profitable. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre « Fi buyutin adhinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha smuhu yusabbihu lahu fiha bilghudu wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salat wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulubu wal absar » Dans des maisons dans lesquelles Allah a autorisé que son nom soit élevé et qu'il soit cité. Yusabbihu lahu. Yusabbih, on a déjà vu que ça va dans le sens parfois de glorifier et aussi la prière. Ils vont donc le glorifier et prier pour lui le matin et en fin d'après-midi. Des hommes qui ne sont pas distraits par le commerce et la vente. Des hommes dont le commerce et la vente ne vont pas les distraire du rappel d'Allah, de l'accomplissement de la prière et du fait de s'acquitter de l'aumône. Yakhafuna yawman. Ils ont peur d'un jour durant lequel les cœurs et les yeux seront bouleversés. Voilà ce dont ils ont peur. Ils n'ont pas peur de ce commerce. On n'a pas peur de perdre ce commerce. Beaucoup sont accrochés à leur commerce. Comme si tu perds ton commerce, tu perds tout. Tu perds tout. Mais tu dois avoir peur, justement, que ce commerce t'éloigne du rappel d'Allah. T'éloigne de ce jour. Le fait d'avoir peur de ce jour où tu seras jugé, où tu vas te demander combien de bonnes actions j'ai. Tu ne vas pas te demander combien j'ai pu gagner avec mon commerce. Je pense qu'hier, mon Kiyama, on se pose cette question. Combien d'argent, combien de bénéfices j'ai fait avec mon commerce? Ou tu te demandes combien de hasanat j'ai, combien de seyyiat, combien de salawat que j'ai délaissé pour vendre des produits? Combien de salawat à la mosquée j'ai délaissé pour vendre des produits? Combien de salawat à la mosquée j'ai délaissé pour mon patron parce que je ne voulais pas qu'il me vire? Il faut qu'on arrive à faire le calcul. Qu'est-ce qui est rentable et qu'est-ce qui n'est pas rentable? Si tu n'arrives pas à faire le calcul, à savoir ce qui est rentable et ce qui n'est pas rentable, tu ne peux pas faire du commerce. Mais ici, on parle d'un commerce qui est durable. Il faut donc que tu saches qu'est-ce qui va être durable et qu'est-ce qui n'est pas durable. Et donc, ne fais pas en sorte que cette dunya soit ce qui est le plus important pour toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il invoquait beaucoup, comme l'a montré Ibn Umar radiallahu anhuma, dans le recueil de Tirmidhi, avec une chaîne de transmission qu'a authentifié Cheikh Al-Albani rahimahullah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il invoquait et il disait: la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina. Ne fais pas que le mal qui nous touche soit dans notre religion. Oh Allah, ne fais pas que le mal qui nous touche soit dans notre religion. Mon mal, le mal qui me touche, il peut me toucher dans ma santé, dans mon cœur, dans mes jambes, tout, dans mon argent, mais pas dans ma religion. Oh Allah, fais que le mal qui me touche ne soit pas dans ma religion. Wala taj'al ad-dunya akbara hammina. Et ne fais pas que la dunya soit ce qui soit le plus important pour nous. Voilà une invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on est où de cela? Est-ce que c'est la dunya qui est la chose la plus importante pour nous? Celui qui pense cela n'a pas un commerce fructueux. Il n'a pas un commerce fructueux. Akhraj al-Bukhari fi sahihihi an Abi Huraira. Al-Bukhari cite dans son sahih, selon Abi Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ta'isa abdu dinar. Ta'isa abdu dirham. L'adorateur du dinar, l'adorateur du dirham a perdu. Khasira, il a perdu. Et remarquez, le prophète, il l'a fait ressembler à l'adorateur. l'adorateur de ce dirham, l'adorateur de cet argent. Pourquoi ? Min kathrati, mais yahummuhu dhalik. À tel point il est attaché à cela, à tel point cet argent est important pour lui. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait ressembler à celui qui adore cet argent. Et donc nous devons mettre notre confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc yajibu alayna an natawakkal ala Allah. Il est impératif que nous mettions notre confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. On ne te dit pas, ya akhi, de rester chez toi, de attendre que l'argent te tombe du ciel ou de l'arbre qui est derrière la maison que tu secoues. Tu ne vas pas chercher à travailler, tu te dis, il faut que je reste à la maison et que, inshallah, je vais à la mosquée et que je vais à tous les cours qui sont donnés à la mosquée, etc. Personne ne t'a dit ça. Personne ne t'a dit ça. Allez, Kabil Esbeb, tu mets ta confiance en Allah Azza wa Jal et tu fais les causes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit لو كنتم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ترضو خماصا وتعود بطانا. Si vous mettiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous aurait accordé votre subsistance comme il l'accorde à l'oiseau qui part le ventre vide et qui revient le ventre plein. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أشار إلى الأسباب. Le prophète صلى الله عليه وسلم dans ce hadith, il nous montre, il fait une allusion aux causes. L'oiseau, il est parti. Il n'est pas resté à attendre que son ventre se remplisse tout seul. Et donc, de la même façon, toi, tu pars, tu fais les causes pour avoir un travail légiféré. Tu vas faire les causes et tu mets ta confiance en Allah Azza wa Jal. وَلَا تَتَوَكَّلْ عَلَى الْمَالِ. Et ne mets pas ta confiance dans l'argent. Wala tatawakkal ala hadhihi tijara. Ne mets pas ta confiance, ne t'appuie pas sur ce commerce. Ce commerce, c'est une cause. Laisse-le à sa place. Laisse-le comme cause. Celui qui t'accorde la subsistance, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, comme je l'ai dit pour finir, il y a un point très important. أنه لا ينبغي لنا أن نقدم شيئا من الدنيا على الحق. Et qu'il n'est pas convenable, lorsque nous faisons du commerce sur un sujet mondain, il n'est pas convenable que nous fassions passer un sujet mondain à la vérité, à notre religion, à l'au-delà. Il n'est pas convenable. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Certes, ceux qui vont favoriser, qui vont préférer faire un échange de leur engagement envers Allah et de leur serment par un vil prix. Ton engagement envers Allah, de lui obéir, de délaisser ses interdits. Allah t'a ordonné la prière. C'est un engagement envers lui. La prière à la mosquée, si tu es proche de la mosquée. Si tu es proche de la mosquée et que c'est l'heure de la prière et qu'ils vont prier en jama'a, c'est un engagement envers ton Seigneur que tu dois accomplir cette prière à la mosquée. Et donc ceux qui vont donc échanger cet engagement envers Allah et leur serment par un vil prix, les quelques euros que tu vas gagner dans ton salaire ou dans le commerce que tu vas faire, par un vil prix, alors ceux-là, ils n'auront pas de part dans l'au-delà. Et Allah ne leur parlera pas et il ne les regardera pas le jour de la résurrection. Et il ne va pas les purifier et ils auront un châtiment douloureux. قال العلامة السعدي لسافانتيسيم السعدي il dit ويدخل في ذلك كل من أخذ شيئا من الدنيا في مقابل ما تركه من حق الله أو حق عباده. Cheikh Saadi il dit il rentre dans ce verset est concerné par ce verset toute personne qui prend quelque chose d'ici-bas, qui prend quelque chose d'ici-bas, de ce bas monde, en échange de ce qu'il a délaissé des droits d'Allah ou des droits de ses serviteurs. Tu prends quelque chose d'ici-bas, un commerce, un téléphone que tu as vendu, en échange de ce que tu as délaissé des droits d'Allah, la prière qu'il t'a rendue obligatoire, tu rentres dans ce verset. « Oulaïka la khalaqa lahum fil akhira » Ceux-là n'ont aucune part dans l'au-delà. Est-ce que tu veux un commerce fructueux ou pas ? Fais le calcul. Il continue ensuite, Cheikh Saadi. Fin de citation. « Idhan, in kunta qariban min al-masjid, la tatruk haqqallah bimuqabilin min al-dunya. » Et donc, si tu es à côté de la mosquée, ne délaisse pas le droit d'Allah pour un sujet mondain. Ne délaisse pas le droit d'Allah pour donc un sujet mondain. Wala taskut anil haq. Et aussi donc ne te tais pas sur la vérité. Li'annaka takhafu min makanatika 'inda an-nas aw li'annaka takhafu min nufuri an-nas 'ank. Ne te tais pas concernant la vérité parce que tu as peur de ta place, tu as peur de perdre ta place chez les gens. Tu as peur, donc, que les gens s'éloignent de toi. Combien de fois j'ai cité ici dans cette mosquée, beaucoup sont éprouvés par cela, le fait de perdre ce mimbar. Comme si, parce que lorsque tu es debout sur le mimbar, tu es mieux que les autres. Certains ont peur de perdre cette place, ils vont se taire sur la vérité. La yajouz, cela n'est pas permis. Cela est une perte dans ce commerce que tu fais. Une perte totale. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre, inna alladhina yaktumuna ma anzala Allah min al-kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adhabun alim. Certes ceux qui cachent ce que Allah a fait descendre du livre et qui échangent cela avec un vil prix, par un vil prix. Alors ceux-là, ils ne mangent, mais yakuluna fi butunihim illa an-nar. Ils ne mangent dans leur ventre que du feu. Et Allah ne leur parlera pas au jour de la résurrection. Wala yuzakkihim, il ne va pas les purifier et ils auront un châtiment terrible. Cheikh Saadi, rahimahullah, il dit, هذا وعيد شديد لمن كتم ما أنزل الله على رسله من العلم الذي أخذ الله الميثاق على أهله أن يبينوه للناس ولا يكتموه. Il dit, ceci est une menace terrible pour tous ceux qui cachent ce que Allah a fait descendre sur ses messagers parmi la science qu'il a pris comme engagement de ses adeptes, c'est-à-dire les gens de science, de l'expliquer aux gens. Il t'est obligatoire de dire aux gens que ce qu'ils font, c'est bien ou pas bien. Si tu vois les gens qui font quelque chose d'illicite et tu te tais parce que tu as peur de perdre ta place, tu es perdant. Tu es perdant. Et il continue en disant, le Cheikh Saadi, « فَمَنْ تَعَوَّضَ عَنْهُ بِالْحُطَامِ الدُّنْيَاوِي فَكَنَ جَزَاؤُهُ مِنْ جِنْسِ عَمَلِهِمْ » Il dit, le Cheikh, alors, celui qui va échanger cela, chercher à échanger cela par le reste de ce bas monde, par les débris de ce bas monde, alors sa récompense, sa rétribution est du même genre que son acte. Ça veut dire quoi ça? Sa rétribution est du même genre que son acte. Dans le verset, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ. Et Allah ne leur parlera pas au jour de la résurrection. La rétribution est de la même, est du même genre que l'acte que tu as commis. L'acte que tu as commis est que tu t'es tué. Et donc à ce moment-là, Allah tabaraka wa ta'ala, لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Allah ne leur parlera pas au jour de la résurrection. Belle sakhita alayhim wa a'rada anhum. Il continue, Cheikh Saadi, il dit au contraire, il est courroucé contre eux et se détourne d'eux. Fa hadha a'zamu alayhim min 'adhabin nar. Il dit, et cela est plus dur pour eux que le châtiment du feu. Cela est plus dur pour eux que le châtiment du feu. Et pour finir, dernier hadith qu'on cite, أخرج الترمذي في جامعه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. الترمذي cite dans son recueil الجامع selon أبي هريرة رضي الله عنه que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, certes le bas monde est mel'oun. Ce qui est voulu ici, c'est mezmoum, il dit Cheikh Ibn Baz. Le bas monde ici est blâmé. Et tout ce que celui-ci contient est blâmé, est blâmable, sauf le rappel d'Allah et tout ce qui s'ensuit. Et un savant est un savant ou un étudiant. Fala tata'allaq bima huwa mezmoum. Wahris ala ma yanfa'uk min maghfiratin. Min Rabbik. Et donc ne t'accroche pas à ce qui est blâmable, mais efforce-toi de chercher ce qui t'est profitable parmi le pardon, et parmi cela le pardon venant de ton Seigneur. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Et un paradis qui est large comme le ciel et la terre, comme les cieux et la terre. Voilà ce que tu dois t'efforcer à faire. Voilà un commerce fructueux. On va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, en espérant que nous aurons tous pu profiter de ce rappel. Ce que j'ai dit de vrai, alors cela vient de la réussite accordée par Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et ce que j'ai dit de faux vient du diable et de moi-même. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayra.